Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît ? Je vais avoir 22 ans dans un mois. Mmh. Très bien. Et vous avez déjà travaillé à l'accueil dans une école ? Oui, j'ai travaillé un an à l'Institut Goethe, à Munich. Oh, vous savez parler allemand, alors ? Oui, oui, je parle allemand et anglais. Mmh. Dites-moi, est-ce que vous faites du sport ? Du sport ? Oui, je fais du tennis et de la natation. C'est important ? Non, non. Non, ce n'est pas très important. Vous pouvez travailler le week-end ? Je veux dire, pas tous les week-ends, bien sûr. Oh oui, oui, pas de problème.